Section 10 de L'Ève future par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 6 Saisissement. Le sage ne rit qu'en tremblant. Proverbe. Je vous ai seulement indiqué, à grands traits, la possibilité du phénomène. Les minutes qui vous restent, voici minuit, ne me permettant que d'effleurer les détails. La première Andréide seule était difficile. Ayant écrit la formule générale, ce n'est plus désormais, laissez-moi vous le redire, qu'une question d'ouvrier. Nul doute qu'il ne se fabrique bientôt des milliers de substrats comme celui-ci et que le premier industriel venu n'ouvre une manufacture d'idéal. À cette plaisanterie, le Révald, très énervé déjà, se mit à rire légèrement d'abord, puis, voyant qu'Edison riait aussi, l'hilarité la plus étrange le gagna. Le lieu, l'heure, le sujet de l'expérience, l'idée même qui était agitée entre eux, tout lui sembla, pendant un fort moment, aussi effrayant qu'absurde, de sorte que, sans doute pour la première fois de sa vie, il eut un véritable accès de fou rire dont retentirent les échos de cet Éden sépulcral. « Vous êtes un terrible railleur, dit-il. À présent, reprit l'électricien, hâtons-nous. Je vais vous expliquer de quelle manière je dois procéder pour transporter, sur cette possibilité mouvante, toute l'extériorité de votre favorite. » À son toucher, l'armure se referma lentement. La table de porphyre s'inclina. Adali se tenait debout entre ses deux créateurs. Immobile, voilée, silencieuse, on eût dit qu'elle les regardait sous les ténèbres qui cachaient son visage. Edison toucha l'une des bagues du gantelet d'argent de Adali. L'Andréide tressaillit tout entière. Elle redevenait apparition. Le fantôme se réanimait. L'impression désillusionnante que l'explication de tout à l'heure avait laissée dans l'esprit de la Révald s'affaiblit à cet aspect. Bientôt, le jeune homme, redevenu grave, la considéra de nouveau, en dépit de sa raison révoltée, avec le sentiment indéfinissable qu'elle avait éveillé en lui l'heure d'auparavant. Le rêve recommençait, reprenant le chemin de cette habitude d'une heure. « Es-tu ressuscité ?» demanda froidement Edison à l'Andréide. « Peut-être, hein, » répondit, sous son voile de deuil et avec sa merveilleuse voix de songe, Adali. « Quelle parole !» murmura le jeune lord. Déjà, le mouvement de la respiration soulevait le sein de l'Andréide. Soudain, croisant les mains et s'inclinant vers le Révald, elle lui dit d'une voix rieuse. « Et pour ma peine, voulez-vous me permettre de vous demander une grâce, milord » dit-elle. « Volontiers, Miss Adali, » répondit le jeune homme. Et pendant qu'Edison rangeait ses scalpels, elle s'éloigna vers les pentes de fleurs du souterrain. Puis, ayant avisé une grande bourse noire, aux plis de soie et de velours, pareille à celle des quêteuses, et qui était suspendue par ses cordons à un arbuste, elle revint vers l'anglais surpris. « Milord, dit-elle, toute belle soirée de plaisir dans le monde n'est complète, je crois, que si elle se rachète elle-même par quelque bonne œuvre dissimulée sous ses attraits. Ainsi, souffrez que je vous implore pour une jeune femme très aimable, une jeune veuve et pour ses deux enfants. « Que signifie ceci ? » demanda le Révald à Edison. « Mais je n'en sais trop rien, moi, » dit Edison. « Écoutons-la, mon cher lord. Souvent, elle me fait de ces surprises à moi-même. » « Oui, » continua l'Andréide, « je vous demande secours, bien humblement, pour cette pauvre femme que le seul dénuement de ses enfants oblige à subir encore de vivre, et qui, sans le devoir de leur donner du pain, ne le supporterait pas un jour. Car le malheur, immérité, a grandi son âme jusqu'à la soif de la mort. Une sorte de perpétuelle extase l'élève hors de ce monde et la rend aussi impuissante à tout gagne-pain qu'indifférente aux privations les plus pénibles, excepté pour ses enfants. Elle a coutume de vivre dans un état d'esprit qui ne lui laisse distinguer que les choses éternelles au point d'avoir oublié son nom terrestre pour un autre, dit-elle, que des voix, d'étranges voix, lui ont donné, souvent, dans les rêves. Voulez-vous, à ma première prière, vous qui venez du monde des vivants, ne pas dédaigner de joindre votre aumône à la mienne ? Se disant, elle alla prendre, sur une étagère voisine, quelques pièces d'or qu'elle laissa tomber dans la bourse. « De qui parlez-vous, Miss Adali ?» demanda alors Evald en se rapprochant de l'Andréide. « Mais de Mistress Anderson, Milord Celian, de la femme de cet infortuné qui est mort de passion pour, vous savez bien, pour tous ces tristes objets, là, tout à l'heure. » Et elle indiqua du doigt la place du tiroir funèbre dans la muraille. Si maître qu'il fût de lui, Lord Evald recula devant Adali inclinée, cette bourse religieuse à la main. Cette imagination lui semblait la plus sinistre de toutes et quelque chose dans cette aumône atteignait en lui l'humanité. Sans répondre, il jeta donc plusieurs banknotes dans la bourse noire. « Merci, au nom des deux orphelins, Milior Celian, dit Adali, disparaissant entre les piliers syriens. Chapitre 7 Nigrasum sed Formosa. Il est des secrets qui ne veulent pas être dits. Edgar Poe. Lord Evald la regardait s'éloigner. « Je ne puis que demeurer dans la plus profonde surprise, mon cher Edison, dit-il, d'un fait principalement énigmatique pour moi. C'est que votre Andréide puisse me parler, me nommer, me répondre, se diriger à travers diverses obstacles, ici et en haut. Je dis que ces faits sont positivement inconcevables en ce qu'ils supposent un discernement quelconque en elle. Vous ne m'expliquerez pas que des phonographes parlent avant qu'une voix humaine ait eu le temps d'y graver des réponses aussi précises, ni qu'un moteur cylindrique puisse dicter de lui-même à un métallique fantôme des attitudes et des pas non déterminés déjà d'après un calcul très long, très compliqué, possible soit, mais qui exige la plus scrupuleuse exactitude. Eh bien, je vous atteste que les particularités que vous signalez sont relativement les plus faciles à produire entre toutes les autres. Je vous le prouverai, je m'y engage. Vous serez encore plus étonné de cette simplicité de leur explication si je vous la donnais à l'instant que vous n'êtes de leur apparent mystère. Mais, je vous l'ai dit, dans l'intérêt de l'illusion nécessaire, il me semble utile de différer encore la révélation de ce secret. Et, tenez, remarquez-vous une chose bien plus extraordinaire, mon cher Lord, c'est que vous ne m'avez pas questionné sur la nature du visage actuel de l'Andréide. Lord Evald tressaillit. « Puisqu'il est voilé, dit-il, j'ai pensé qu'il serait peu discret de m'en enquérir. » Edison regarda Lord Evald avec un sourire grave. « J'imaginais, répondit-il, que vous ne teniez pas à vous créer un souvenir capable de troubler la vision que je vous ai promise. Le visage qui vous apparaîtrait ce soir demeurerait fixé en votre mémoire et transparaîtrait toujours pour vous sous le visage futur qui, seul, est votre espérance. Et ce souvenir gênerait votre illusion en éveillant sans cesse une arrière-pensée de dualité. C'est pourquoi, même si ce voile cachait le visage d'une Béatrix idéale, vous ne tenez pas à le voir, et vous avez raison. C'est aussi pour un motif analogue que je ne puis vous révéler, aujourd'hui, le secret dont vous parlez. « Soit, répondit Lord Evald. Puis, comme voulant dissiper l'idée suscitée par l'électricien, « Vous allez donc revêtir Adali, reprit-il, d'une carnation identique à celle de mon amour. » « Oui, répondit Edison. Vous remarquez, n'est-ce pas, mon cher Lord, qu'il ne s'agit pas encore ici de l'épiderme, qui est la chose capitale, mais de la chair seul. Chapitre 8. La carnation. Chair de la femme, argile idéale. Oh, merveille. Victor Hugo. Vous vous rappelez le bras et la main dont le toucher vous a surpris, en haut, dans mon laboratoire. C'est cette même substance que j'emploierai. La chair de Miss Alicia Clary se compose de certaines parties de graphite, d'acide nitrique, d'eau, de divers autres corps chimiques reconnus dans l'examen des tissus sous-cutanés. Cela ne vous apprend pas pourquoi vous l'aimez. De même, la reconstruction des éléments de la chair andréidienne ne serait d'aucune lumière ici, pour vous, attendu que la presse hydraulique, en les coagulant d'une façon homogène, comme la vie pétrit les éléments de notre chair, a littéralement transfiguré leur individualité en une synthèse qui ne s'analyse pas, mais qui se ressent. Vous ne sauriez imaginer jusqu'à quel point, tenez, l'impalpable poudre de fer réduit, aimanté, disséminé à l'état blanc en cette carnation, la rend sensible à l'action électrique. Les capillaires, extrémités des fils d'induction qui traversent les jours imperceptibles de l'armure, sont mêlés aux fibreuses applications de cette chair, à laquelle la membrane diaphane de l'épiderme, qui lui est adhérente, obéit merveilleusement. De graduées et très impressives mobilités du courant émeuvent ces parcelles de fer. Cette chair les traduit alors, nécessairement, par des rétractilités insensibles, selon telle micrométrique incrustation du cylindre. Il y en a même d'ajoutées les unes sur les autres. Les fondus de leur succession proviennent de leur isoloir même, lesquels pourraient ici ne s'appeler que des retards instantanés. La tranquille continuité du courant, neutralisant toute possibilité de saccade, l'on arrive, grâce à eux, à des nuances de sourire, au rire des joues de la Joconde, à des embellies d'expression, à des identités vraiment effrayantes. Cette chair qui se prête à la pénétration du tiède calorique engendré par mes éléments donne au toucher l'impression prestigieuse, le bondissement, l'onctueuse élasticité de la vie, le sentiment indéfinissable de l'affinité humaine. Comme elle doit transparaître, adoucie d'éclat par l'épiderme, sa nuance est celle d'une neige teintée d'une fumée d'ambre et de rose pâle, et d'un brillant vague que le mica, d'une faible dose d'amiante pulvérisée, sait lui donner. L'action photochromique la sature du ton définitif. De là, l'illusion. J'ai donc répondu de persuader, ce soir, Miss Alicia Clary, d'accéder à notre expérience, et sans la connaître, avec toute la complaisance imaginable, et je vous atteste qu'étant donné la vanité féminine, cela me sera d'une facilité que vous apprécierez vous-même. Selon toute convenance, mon premier appariteur est aussi une femme, une grande statuaire inconnue qui, demain même, dans mon laboratoire, commencera l'œuvre. Votre bien-aimée n'aura pas en son indispensable nudité d'autre transpositrice que cette artiste profonde qui n'idéalise pas, mais décalque, et pour se saisir de la forme mathématique du corps de votre vivante, débutera par prendre, très vite, sous mes yeux vigilants et glacés, avec des instruments de la plus souveraine précision, les tailles, hauteurs, largeurs, mesures strictes des pieds et des mains, du visage et de ses traits, des jambes et des bras, ainsi que le poids exact du corps de votre jeune amie. Ce sera l'affaire d'une demi-heure. Adalie, invisible, debout, caché derrière les quatre grands objectifs, attend son incarnation. Et voici que cette substance charnelle, éclatante et humaine, s'unifie, grâce à de minutieuses précautions, à l'armure andréidienne, selon les épaisseurs naturelles de la belle vivante. Comme cette substance se prête, sous de très fins outils, à une ciselure d'une ténuité idéale, le vague de l'ébauche disparaît très vite. le modelé s'accuse, les traits apparaissent, mais sans teint ni nuance. C'est la statue attendant le Pygmalion créateur. La tête seule coûte autant de travail et d'attention soutenue que le reste du corps, à cause du jet des paupières, du lobe froid des oreilles, de la palpitation douce des narines pendant la respiration, des transparences à venir, du veiné des tempes, des plis des lèvres, lesquels sont d'une substance plus châtiée encore par l'hydraulique que la plupart des autres parties du corps. Songez à quelle exiguïté d'aimant, cachée jusque en ces 1000 points lumineux indiqués par les vastes épreuves photographiques du sourire par exemple, il faut micrométriquement amener toute une correspondance d'imperceptibles inducteurs s'isolant les uns des autres. Certes, j'ai tout le matériel et les formules générales, mais l'indispensable perfection dans la ressemblance demande ici des labeurs constants et scrupuleux. 7 jours au moins, comme pour créer un monde. Songez que la puissante nature, avec toutes ses ressources, met encore aujourd'hui 16 ans et 9 mois à confectionner une jolie femme. Et au prix de quelles ébauches, sans cesse modifiées, jour à jour, pour durer si peu, et qu'une maladie peut effacer de son coup de vent. Cela terminé, nous attaquerons la ressemblance absolue des traits du visage et des lignes du corps. Vous connaissez les résultats obtenus par la photosculpture. On peut véritablement arriver à une transposition d'aspect. J'ai des instruments nouveaux, d'une perfection miraculeuse, exécutée sur mes dessins depuis de longues années. Nous parvenons, avec leur secours, à décalquer l'identité des reliefs et des moindres méplats à des dixièmes de millimètre près. Miss Alicia Clary sera donc photosculptée directement sur Adalie, c'est-à-dire sur l'ébauche sensibilisée à cet effet où Adalie aura déjà commencé à s'incarner silencieusement. Tout vague disparaît alors. Tout excédent saute aux yeux. Le microscope est là, d'ailleurs, car il faut, en cette réfraction, la fidélité du miroir. Un grand artiste, auquel j'ai communiqué l'enthousiasme pour l'art spécial de réviser mes fantômes, viendra donner la dernière main. L'échantillonnage des tons se perfectionne, car l'épiderme qui va venir est d'une fleur de peau, d'une pelure aussi satiné que translucide, et il y a de telles dégradations de teinte qu'il faut prévoir et fixer d'avance, indépendamment même des ressources solaires dont nous userons tout à l'heure. Cela fait, nous nous trouvons en présence d'une Alicia Clary vue dans la brume d'un soir de Londres. C'est à ce moment même, c'est-à-dire avant de s'occuper de l'épiderme et de tout ce qu'il comporte, qu'il convient de s'inquiéter de l'intime. Vague et personnelle émanation mêlée de ces parfums habituels qui flottent autour de celle que vous avez aimée. C'est, pour ainsi dire, l'atmosphère exquise de sa présence, l'odeur di femina de la poésie italienne. Enfin, chaque fleur féminine a sa senteur qui la caractérise. Vous avez parlé d'un chaud parfum dont le charme vous troublait autrefois, et vous éblouissait le cœur. Au fond, c'est l'attrait particulier pour vous, caché dans la beauté de cette jeune femme, qui animait ainsi d'idéal le charme de cette senteur charnelle, puisqu'un indifférent y fut demeuré fort insensible. Il s'agit donc, tout d'abord, de se rendre maître de la complexité de l'odeur charnelle en sa chimique réalité, le reste étant l'affaire de votre sentimentalisme. Nous procéderons, tout simplement, comme le parfumeur procède pour traduire les divers arômes des fleurs et des fruits. On obtient l'identité. Vous allez voir comment, tout à l'heure. Chapitre 9. La bouche de rose et les dents de perle. La belle Madame de X, pour laquelle s'est longtemps entretuée l'élite de notre jeunesse dorée, dut, en partie, l'irrésistible charme de sa bouche fraîche et close à l'usage quotidien de l'eau de Botteau. Réclame d'antan. Tout d'abord, une question, si vous le permettez, mon cher Lord. Miss Alicia Clary, daigne-t-elle porter toutes ses dents ? Le Révald, après un mouvement de surprise, fit un signe de tête affirmatif. « Je l'approuve en ceci, » continua Edison, « bien que ce soit une grave infraction à la mode américaine. Ici, vous le savez, toutes nos belles misses, vraiment élégantes, eussent-elles dans la bouche toutes les perles du Pacifique, commencent, à de rares exceptions près, par se les faire extirper et remplacer par des dentiers mille fois plus minces, plus parfaits, plus légers que leurs dentures naturelles. Quoi qu'il en soit de Miss Alicia Clary, à cet égard, Milord, enfin, un accident est si vite advenu, sa dentition organique sera reproduite avec une fidélité éblouissante. En effet, cet excellent docteur Samuelson, accompagné du dentiste W. Béjor, seront dans mon laboratoire le jour de sa 6e séance. À l'aide d'un anesthésique de ma composition et très inoffensif, que Miss Alicia Clary respirera sans s'en apercevoir, nous obtiendrons d'elle une syncope complète durant laquelle empreinte sera prise de l'écrin radieux de toute sa bouche, ainsi même que de sa langue, dont les doubles exacts seront transposés en la bouche jumelle de Adalie. Vous avez parlé d'effet de lumière sur les dents pendant le sourire. Vous ne pourrez les distinguer les uns des autres une fois l'adaptation terminée. Chapitre 10. Effluve corporelle. Les roses envolées sur les vagues, au loin, s'en sont toutes allées. Respirez-en sur moi l'odorant souvenir. Marceline Desbord Valmore. Au réveil de votre belle amie, nous lui dirons qu'elle a perdu connaissance, voilà tout, ce qui arrive à toute femme distinguée, et, afin de prévenir tout nouvel accident de ce genre, Samuelson lui prescrira, dans une savante ordonnance, certains bains d'air chaud qu'il fait prendre dans un établissement par lui fondé. Miss Alicia Clary s'y rendra dès le lendemain. Une fois la transpiration obtenue, il recueillera, comme on recueille les acides au papier de tournesol, en des appareils très sensibles, les vapeurs totales des émanations corporelles de cette jeune femme, et ceci des pieds à la tête, en isolant chacune des parties transpirantes. Puis, il en analysera chez lui les précipités à tête reposée. Une fois les équivalents chimiques relevés, il réduira simplement en formule les divers parfums de cette aimable créature. Nul doute qu'il n'arrive à des approximations infinitésimales, à un dosage tout à fait exact. Ce résultat bien obtenu, on le fluidifie et l'on en sature la carnation par un procédé de volatilisation, le tout membre à membre et en se conformant aux nuances de la nature. Comme, nous l'avons dit, un habile parfumeur sature une fleur artificielle de l'odeur correspondante. Ainsi, le bras d'en haut est embaumé du tiède et personnel parfum de son modèle. Dès lors, la carnation, ainsi imbue de ses parfums, et ceci une fois recouvert par l'épiderme, y demeure plus indélébile qu'en un sachet. Le reste, l'idéal, vous le fournirez vous-même. Et je vous dis que ce diable de Samuelson a trompé déjà plusieurs fois, sous mes yeux, l'odorat d'un animal à force de vérité dans ses dosages. Je l'ai vu contraindre un basset de s'acharner en aboyant et à mordre sur un morceau de chair artificielle frotté des simples équivalents chimiques du fumet d'un renard. Un nouvel accès d'hilarité chez le Révald interrompit l'électricien. « Ne faites pas attention, mon cher Edison, » s'écria-t-il. « Continuez, continuez, c'est merveilleux. » « Je rêve, je ne puis m'empêcher, et cependant je n'ai pas envie de rire. » « Ah, je comprends, et je partage votre impression, » répondit mélancoliquement Edison. « Mais songez au prix de quelques riens, ajoutés les uns aux autres, se produit, parfois, un ensemble irrésistible. Songez à quel rien tient l'amour même. La nature change, mais non l'Andréide. Nous autres, nous vivons, nous mourrons, que sais-je. L'Andréide ne connaît ni la vie, ni la maladie, ni la mort. Elle est au-dessus de toutes les imperfections et de toutes les servitudes. Elle garde la beauté du rêve. C'est une inspiratrice. Elle parle et chante comme un génie. Mieux même, car elle résume en sa magique parole les pensées de plusieurs génies. Jamais son cœur ne change. Elle n'en a pas. Votre devoir, donc, sera de la détruire à l'heure de votre mort. Une cartouche de nitroglycérine un peu forte ou de panclastite suffira pour la réduire en poussière et rejeter sa forme à tous les vents du vieil espace. Chapitre 11. Uranie. Cette étoile qui brille comme une larme. George Sand. Adalie apparut au fond du souterrain. Elle passait entre les arbustes aux floraisons sans hiver. Enveloppée en d'amples et longs plis de satin noir et son oiseau de paradis sur l'épaule, elle revenait vers ses visiteurs terrestres. Une fois auprès de la crédence, elle remplit de nouveau deux verres de sherry et vint, en silence, les leur offrir. Ses hôtes l'ayant remerciée d'un geste, elle s'en alla replacer les deux verres sur le plateau de vermeil. « Minute 32 minutes !» murmura Edison. « Vite, occupons-nous des yeux. À propos de vos yeux futurs, Adalie, dites-moi, pouvez-vous voir, d'ici, avec les vôtres, Miss Alicia Clary ?» Adalie, à cette parole, sembla se recueillir un instant. « Oui, » dit-elle. « Eh bien, apprenez-nous sa toilette, ce qu'elle fait, où elle est. » « Elle est seule, dans un wagon en marche, votre dépêche à la main, essayant de la relire. La voici qui se lève pour se rapprocher de la lampe, mais le chemin de fer va si vite qu'elle retombe. Elle ne peut s'y tenir debout. » Et Adalie, sur ses derniers mots, eut un rire léger qui fut partagé, très bruyamment et avec un timbre de puissant ténor, par l'oiseau de paradis. Le Révalde comprit que l'Andréide lui montrait qu'elle savait rire aussi des vivants. « Puisque vous avez ainsi la seconde vue, Miss Adalie, dit-il, seriez-vous assez aimable pour regarder comment elle est vêtue ? Elle porte une toilette d'un bleu si clair que sa robe paraît verte à la lueur de la lampe, répondit Adalie, et elle s'évente maintenant avec un éventail d'ébène aux manches sculptées de fleurs noires. Sur l'étoffe de l'éventail est représentée une statue. « Ceci est une chose qui passe l'imaginable !» murmura le Révalde. « C'est la vérité de point en point. Vos télégrammes sont bien rapides. »« Milord, répondit l'ingénieur, vous demanderez vous-même à Miss Alicia Clary si, 3 minutes après son départ de New York pour Menlo Park, il ne lui est pas arrivé ce que vient de nous retracer Adalie. Mais voulez-vous causer un instant avec elle, pendant que je vais aller choisir quelques échantillons d'yeux incomparables ? » Et il s'éloigna vers la profondeur du souterrain, s'approcha du dernier pilier, fit mouvoir une pierre et parut s'absorber dans l'examen de différents objets cachés en ce lieu. « Serez-vous assez gracieuse pour m'apprendre, Miss Adalie, dit le Révalde, à quoi peut être utile cet instrument, d'aspect si compliqué, placé sur cette étagère, là-bas ?»« Oui, Milord Sellian, répondit Adalie, après s'être détournée, comme pour regarder, sous son voile, l'objet dont lui parlait le jeune homme. « C'est encore une invention de notre ami. Cela sert à mesurer la chaleur d'un rayon d'étoile. » « Ah, je me souviens d'en avoir entendu parler dans nos gazettes, » répondit le Révalde avec une fantastique tranquillité. « Vous le savez, » reprit Adalie, « bien avant que la Terre fût même une nébuleuse, des astres brillaient depuis une sorte d'éternité. Mais hélas, si éloignés d'elle, que leur radieuse lueur, en parcourant près de 100 000 lieues par seconde, n'est arrivé que récemment à la place occupée par la Terre dans le ciel. Et il se trouve que plusieurs de ces astres se sont éteints depuis longtemps, avant qu'il ait été possible à leurs mortels de distinguer cette Terre. Cependant, le rayon sorti de ces astres refroidis devait leur survivre. Il continua sa marche irrévocable dans l'étendue. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le rayon de quelques-uns de ces foyers en cendres est parvenu jusqu'à nous, de sorte que l'homme qui contemple le ciel y admire souvent des étoiles qui n'existent plus et qu'il y aperçoit quand même, grâce à ce rayon fantôme, dans l'illusion de l'univers. Eh bien, cet appareil, Miller Celian, est tellement sensible qu'il pèse la chaleur presque nulle, presque imaginaire, d'un rayon de ces sortes d'étoiles. Il en est même de si lointaine que leur lueur ne parviendra jusqu'à la Terre que lorsque celle-ci se sera éteinte, comme elles se sont éteintes, et qu'elle aura passé sans même avoir été connue de ce rayon désolé. Pour moi, souvent, pendant les belles nuits, quand le parc de cette habitation est solitaire, je me munis de cet instrument merveilleux, je viens en haut, je m'aventure sur l'herbe, je vais m'asseoir sur le banc de l'allée des chênes, et là, je me plais, toute seule, à peser des rayons d'étoiles mortes. Adalie se tut. Le Révald éprouvait un vertige. Il finissait par se familiariser avec l'idée que ce qu'il voyait et entendait, à force d'être impossible, ne pouvait être que tout naturel. « Voici les yeux !» s'écria Edison, en revenant vers le Révald, un coffret à la main. L'Andréide, à cette parole, alla s'étendre sur la dormeuse noire, comme pour ne prendre aucune part à la conversation. Chapitre 12. Les yeux de l'esprit. Mon enfant a des yeux obscurs, profond et vaste, comme toi, grande nuit, éclairée comme toi. Charles Baudelaire. Lord Evald regarda fixement Edison. « Vous m'avez dit, les difficultés que présente la création d'un être électromagnétique sont faciles à résoudre. Le résultat seul est mystérieux. En vérité, vous avez tenu parole, car déjà ce résultat me paraît presque totalement étranger aux moyens employés pour l'obtenir. Remarquez-le, s'il vous plaît, Milord, répondit Edison. Je ne vous ai donné d'explications, plus ou moins concluantes, elles-mêmes, que touchant quelques premières énigmes physiques de Adalie. Mais je vous ai prévenu que, tout à coup, des phénomènes d'un ordre supérieur se présenteraient en elle et que c'était là seulement qu'elle devenait extraordinaire. Or, parmi ces phénomènes, il en est un dont je ne puis que constater les surprenantes manifestations sans pouvoir me rendre compte de ce qui les produit. Ce n'est pas du fluide électrique que vous parlez ? Non, Milord, c'est d'un autre fluide à l'action duquel l'Andréide se trouve soumise en ce moment. Ce fluide, on le subit sans pouvoir l'analyser. Ce n'est point grâce à un jeu savant de télégramme que tout à l'heure Adalie m'a dépeint la toilette de Miss Alicia Clary. S'il en était ainsi, j'eusse commencé par vous l'expliquer, mon cher Lord. Je ne réserve de l'illusion que ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder à votre rêve sa possibilité. Cependant, je ne crois guère que des esprits invisibles acceptent de rendre aux humains le service de les renseigner sur les voyageurs. « Ni moi non plus, » dit Edison. Cependant, le docteur William Crookes, qui a découvert un quatrième état de la matière, l'état radian, alors que nous n'en connaissions que le solide, le liquide et le gazeux, nous raconte, appuyé par des témoignages des plus sérieux savants, de l'Angleterre, de l'Amérique et de l'Allemagne, ce qu'il a vu, touché et entendu, ainsi que la docte assemblée qui l'assistait en ses spiritualistes expériences. Et ces récits, je trouve, donnent à réfléchir. Enfin, vous ne pouvez soutenir que, d'ici ou d'ailleurs, cette étrange créature inconsciente ait aperçu la femme dont nous parlons. Et ces détails qu'elle a précisés quant à la toilette de Miss Alicia Clary sont cependant exacts. Si merveilleux que soient les yeux que vous apportez en ce coffret, je ne leur suppose pas un tel pouvoir. Tout ce que je dois vous répondre, quant à présent du moins, à ce sujet, le voici. Ceux qui voient positivement, à distance et à travers tous les obstacles sous le voile de Adalie, le voient sans le secours de l'électricité. M'en apprendrez-vous un peu plus là-dessus, quelques jours ? Je vous le promets, elle aussi vous expliquera son mystère par quelques soirs de silence et d'étoiles. Bien, Mais ce qu'elle dit est comme ces ombres de pensée que l'esprit écoute dans les songes et qui se dissipent sous la réflexion du réveil, dit leur Evalde. Ainsi, tout à l'heure, en me parlant de ces astres que la science appelle, je crois, des sacs à charbon, Miss Adali s'est exprimée, sinon d'une manière tout à fait inexacte, du moins comme si sa raison se guidait d'après un mode de logique différent du nôtre. La comprendrais-je ? « Mieux que moi-même, » dit Edison, « vous pouvez en être certain, mon cher Lord. Quant à sa façon de concevoir en astronomie, mon Dieu, sa logique en vaut bien une autre. Demandez à quelques savants cosmographes, tenez par exemple, le motif de la diversité d'inclination des astres d'un même système solaire, ou tout bonnement ce que peuvent être les anneaux de Saturne, et vous verrez s'il en sait bien long là-dessus. » À vous entendre, mon cher Edison, on devrait croire que cet Andréide a la notion de l'infini, murmura Lord Evalde en souriant. Elle n'a guère que celle-là, répondit gravement l'ingénieur. Mais, pour s'en assurer, il faut la questionner selon l'étrangeté de sa nature, c'est-à-dire sans aucune solennité de parole, d'une façon joueuse en un mot. Ses discours, alors, éveillent une impression intellectuelle de beaucoup plus saisissante que les idées d'un sérieux ou même d'un sublime convenu. Donnez-moi donc un exemple de ces sortes de questions, demande Lord Evalde. Prouvez-moi qu'elle peut cacher réellement, en sa semblance, d'une manière quelconque, la notion de l'infini. Volontiers, dit Edison. Et, se rapprochant de la dormeuse, Adali, dit-il, si nous supposions que, par impossible, une sorte de dieu, du genre de ceux d'autrefois, surgissant, invisible et démesuré, dans l'éther transuniversel, donna brusquement la libre volée, du côté de nos mondes, à quelque éclair de même nature que celui qui nous anime, mais d'une énormité non pareille, et pénétré d'une énergie capable de neutraliser la loi de l'attraction, et de faire sauter tout le système solaire dans l'abîme, comme un sac de pommes ? Eh bien, dit Adali, eh bien, que penseriez-vous d'un tel phénomène, s'il vous était permis d'en contempler l'effrayante performance ? Acheva Edison. Oh, répondit l'Andréide avec sa voix grave et en faisant monter sur ses doigts d'argent l'oiseau de paradis, je crois que cet événement passerait dans l'inévitable infini sans qu'il lui fût accordé beaucoup plus d'importance que vous n'en donnez aux millions d'étincelles qui pétillent et retombent dans l'âtre d'un paysan. Lord Evalde regarda l'Andréide sans prononcer une parole. Vous le voyez, dit Edison en revenant vers lui. Adali paraît aussi bien comprendre certaines notions que vous et moi, mais elle ne les traduit que par l'impression toute singulière, pour ainsi dire, que ses paroles en laissent dans l'esprit à l'aide d'images. Après un moment, je renonce à deviner le mot de ce qui se passe autour de moi, mon cher sorcier, dit Lord Evalde, et m'en remet complètement à vous. Voici donc les yeux, dit l'électricien, en pressant un ressort du coffret. Chapitre 13. Les yeux physiques. Tes yeux de saphir, fendus en amande. Les poètes. L'intérieur de cette boîte énigmatique sembla jeter 1000 regards sur le jeune Anglais. Voici, certes, des yeux que jalouseraient bien des gazelles de la vallée de Nourmajad, continuait Edison. Ce sont des joyaux doués d'une sclérotique si pure, d'une prunelle si noyée, qu'ils en sont inquiétants, n'est-ce pas ? L'art des grands ocularistes est parvenu aujourd'hui à dépasser la nature. La solennité de ses yeux donne positivement la sensation de l'âme. L'action de la photographie colorante leur ajoute une nuance personnelle, mais c'est sur l'iris qu'il s'agit de transporter l'individualité même du regard. Une question. Avez-vous vu beaucoup de beaux yeux de par le monde, Milord ? Oui, dit Lord Evalde, en Abyssinie surtout. Vous distinguez l'éclat des yeux de la beauté du regard, n'est-ce pas ? Reprit Edison. Certes, dit Lord Evalde, celle que vous verrez tout à l'heure a des yeux de la plus éclatante beauté lorsqu'elle regarde, inattentive, au loin, devant elle. Mais lorsque son regard porte sur quelque chose qu'elle remarque, le regard hélas, suffit pour faire oublier les yeux. Voilà qui simplifie toute difficulté, s'écria Edison. Généralement, l'expression du regard humain s'augmente de mille incidences extérieures. De l'imperceptible jeu des paupières, de l'immobilité des sourcils, de la longueur des cils, surtout de ce que l'on dit, de la circonstance où l'on se trouve, de l'entourage même qui s'y réfléchit. Tout cela renforce l'expression naturelle de l'œil. De nos jours, les femmes bien élevées ont acquis un regard unique, mondain, convenu et vraiment charmant, c'est le mot, où chacun trouve l'expression qu'il désire et qui leur permet de penser à leurs soucis intimes sous un air d'attention profonde. Ce regard, on peut le clicher, puisqu'il n'est lui-même qu'un cliché, n'est-il pas vrai ? C'est juste, dit en souriant le jeune homme. Mais, continua l'ingénieur, il s'agit de saisir, dans l'expérience qui nous occupe, non pas l'attention du regard, mais son vague, au contraire. Et vous m'avez dit que Miss Alicia Clary regardait habituellement à travers ses cils ? Eh bien, voici comment je vais procéder. Je vous parlais tout à l'heure du phénomène récemment constaté de l'état radiant de la matière. Étant donné le vide le plus parfait, presque absolu, que l'on puisse produire, vide obtenu dans tel sphéroïde dont l'air intérieur a été soumis à une température d'une élévation souveraine, il est avéré qu'il peut se révéler en ce vide aussi abstrait que possible des mouvements dus à la présence d'une matière insaisissable. Des tiges d'induction étant soudées aux parois du sphéroïde, l'étincelle vibre dans ce vide et l'on peut penser que le commencement du mouvement physique est là. Or, voici des yeux fictifs, ovoïdes et d'une transparence de source. J'y trouverai, certes, la paire analogue aux yeux de votre ami. Une fois relevés en leurs prunelles ce que les peintres appellent le point visuel, comme l'intérieur en aura été soumis à la température nécessaire pour y opérer le vide précité, au centre des prunelles, à l'extrémité d'un inducteur de la capillarité la plus extrême, je ferai briller, en ce vide, la piqûre d'éclair, mais vague et presque invisible, de l'électricité. Le merveilleux travail de l'iris confère à cette piqûre vive l'illusion totale de la personnalité dans le point visuel. Quant à la mobilité de l'œil lui-même, elle résulte d'invisibles et presque nerveux suspens du plus pur acier, sur lesquels il tremble, glisse ou demeure immobile selon la dictée de l'appareil central de l'andréide. Car le regard, le jeu des paupières, les paroles et le geste y sont inscrits, d'ensemble, comme je vous l'ai dit. Cela ne se voit pas plus à l'extérieur que les réels mobiles d'un regard sentimentalement féminin ne transparaissent dans l'expression apparente. La carnation, la beauté, en adoucissent tout le mécanisme dans un fondu idéal. Une fois le travail des rectifications bien revu au microscope, ah, par exemple, vous verrez si je ne pourrais pas vous défier, mon cher Lord, de trouver plus de néon vivant dans le regard de Miss Alicia Clary que dans celui de son fantôme. Et la beauté éclatante de leurs yeux sera, cependant, identique. Chapitre 14. La chevelure. Vita coercebat posito sine lege capillos. Ovide. Quant à la chevelure, reprit-il, vous comprenez que l'imitation presque absolue en est vraiment trop facile pour qu'il soit nécessaire de nous y arrêter longtemps. En soumettant le double, savamment élu, de cette chevelure à l'action des huiles odorantes dont se sert Miss Alicia Clary, et un peu à la volatilisation de sa senteur personnelle, il serait impossible de s'y reconnaître. Toutefois, je ne vous conseille ici l'artificiel qu'avec une restriction. Pour les cils, les sourcils, etc., il serait convenable que Miss Alicia Clary voulait bien nous faire présent de l'une des mèches les plus sombres de ses personnels cheveux. La nature a ses droits, et, vous le voyez, je leur rends, parfois, hommage. Donc, à l'aide d'une préparation particulière des plus simples, tout sera scrupuleusement imité. Les cils seront comptés et mesurée à la loupe à cause des valeurs du regard, ce vague duvet, ces ombres flottantes sur la mouvante neige du col, pareilles à des tons glacés d'encre de Chine sur une palette d'ivoire, ce négligé des fins cheveux follets, tous ces fondus de teintes enfin seront d'une similitude enchanteresse. Passons. Pour les ongles des mains et des pieds, non, sur mon âme, nulle fille d'Ève n'en aura jamais possédé de qualité supérieure. Bien que tout pareil à ceux de votre belle amie, ils seront d'un diamanté, d'un rosé vivant, et coupés comme les siens. Vous voyez, d'avance, que la difficulté ici n'existe réellement pas assez pour que je doive vous notifier mes moyens d'imitation, n'est-ce pas ? Occupons-nous de l'épiderme et en grande hâte. Il nous reste à peine 20 minutes. Savez-vous, Edison, dit le Révald après un profond silence, qu'il est vraiment infernal de voir les choses de l'amour sous un jour pareil ? Non, point les choses de l'amour, milord, répondit Edison en relevant son front grave, mais celles des amoureux. Je vous le redis encore, et puisqu'elles ne sont que cela, pourquoi donc hésiter devant elles ? Est-ce qu'un médecin se trouble devant une table de dissection pendant un cours d'anatomie ? Le Révald demeura pensif quelques instants. Chapitre 15. L'épiderme. Je veux boire au creux de tes mains, si l'eau n'en dissout point la neige. Tristan l'ermite, le promenoir des amants. Edison, indiquant une longue boîte en bois de camphrier, placée contre la muraille auprès du brasero. « C'est là, dit-il, c'est là que j'ai enfermé l'illusion même du derme humain. Vous en avez éprouvé la sensation lorsque vous avez serré la main solitaire qui est en haut sur la table. Je vous ai parlé de ces étonnantes épreuves photochromiques récemment signalées. Or, si le toucher de cette peau trouble tout être vivant, la matité de sa trame invisible et opaline est essentiellement réceptive de l'impression solaire. Elle devient parfois radieuse, comme le jeune éclat d'un teint virginal sous l'action de la lumière. Remarquez-le aussi, les difficultés que représente la coloration héliochromique sont beaucoup moindres ici que lorsqu'il s'agit d'un paysage. En effet, dans notre race caucasienne, le teint ne comporte que 2 nuances précises, dont, solairement, nous sommes un peu maîtres, le blanc pâle et le rose. Les verts coloratifs impriment donc sur cet épiderme factice, une fois celui-ci adhérant au moulage même de la carnation, la teinte stricte de la nudité que l'on reproduit. Or, c'est la qualité du satinage de cette molle substance, si élastique et si subtile, qui vitalise, pour ainsi dire, le résultat obtenu. Et ceci au point de bouleverser complètement l'essence de l'humanité. Il devient tout à fait impossible de distinguer le modèle de la copie. C'est la nature et rien qu'elle. Ni plus, ni moins, ni mieux, ni plus mal. C'est l'identité. Le fantôme, par exemple, est inaltérable. Ayant reçu, membre à membre, face à face, profil à profil et dos à dos, la totalité du reflet de la vivante, il le garde assez profondément, s'il n'est pas violemment détruit, pour survivre à ceux qui l'ont vu. « Maintenant, milord, » ajouta Edison en regardant le Révald, « tenez-vous à ce que je vous montre, ce textile derme idéal, à ce que je vous révèle de quels éléments il se compose ?» Chapitre 16. L'heure sonne. Méphistophélès. Les aiguilles touchent l'heure. Voici qu'elle tombe. Elle est tombée. Goethe, Faust. À quoi bon ? Dit le Révald en se levant. Non, je ne veux point voir cette suprême lueur de la vision promise, sans la vision même. On ne saurait isoler aucun élément d'une telle œuvre, et je ne désire plus m'exposer à ce rire d'une conception dont l'ensemble et la résultante, enfin, me demeurent encore voilées. Tout ceci est à la fois trop extraordinaire et trop simple pour que je refuse de me prêter, dans la mesure du possible, à l'aventure inconnue qui, m'assurez-vous, doit s'en dégager. puisque vous vous êtes montré assez sûr de votre Andréide futur pour avoir osé braver jusqu'au rire que devait nécessairement entraîner des explications aussi détaillées, aussi hostiles à toute illusion, il convient que je me tienne pour satisfait et que j'attende le terme fixé avant de statuer sur votre ouvrage. Cependant, dès aujourd'hui, je vous atteste que la tentative en question ne me paraît plus aussi absurde qu'au premier moment. C'est tout ce que je puis et dois vous dire. » L'ingénieur, d'une voix tranquille, répondit. « Je ne devais pas moins attendre de la haute nature d'intelligence dont vous avez fait preuve ce soir, Milord. Certes, je pourrais surprendre quelque peu, j'imagine, ceux des esprits modernes dont l'inadvertance s'aduiserait de nier mon œuvre avant de l'avoir vue et de m'inculper de cynisme avant de m'avoir compris. Oui, ne pourrais-je en effet leur tenir ce petit discours, bien difficile à réfuter, je crois. Vous prétendez qu'il est impossible de préférer à une vivante l'Andréide de cette vivante, que l'on ne saurait rien sacrifier de soi-même, ni de ses croyances, ni de ses humaines amours pour une chose inanimée, que l'on ne confondra rien d'une âme avec la fumée qui sort d'une pile. Mais ce sont là des paroles que vous avez perdu le droit de proférer, car, pour la fumée qui sort d'une chaudière, vous avez renié toutes les croyances que tant de millions de héros, de penseurs et de martyrs vous avez léguées depuis plus de 6000 années, vous qui ne datez que d'un sempiternel demain dont le soleil pourrait fort bien ne se lever jamais. À quoi donc avez-vous préféré, depuis hier à peine, les prétendus principes immuables de vos devanciers sur la planète, roi, dieu, famille, patrie, à ce peu de fumée qu'ils emportent en sifflant et les dissipent au gré du vent sur tous les sillons de la terre, entre toutes les vagues de la mer, en 25 années, 500 000 baleines de locomotive ont suffi pour plonger vos âmes éclairées dans le doute le plus profond de tout ce qui fut la foi de plus de 6000 ans d'humanité. Souffrez que je me défie quelque peu des subites et prétendues clairvoyances d'un être collectif dont l'erreur aurait si longtemps duré. S'il a suffi, d'ores et déjà, de la fumée initialement sortie de la fameuse marmite de Papin, pour obscurcir et troubler en vos consciences l'amour, l'idée même d'un dieu, pour détruire tant d'immortels, de sublimes, de natales espérances, tant d'antiques, foncières et légitimes espérances, à quel titre prendrais-je au sérieux vos dénégations inconséquentes et vos entendus sourires de renégats, vos clameurs de morale, démentis chaque jour par votre vie? Je viens vous dire, puisque nos dieux et nos espoirs ne sont que scientifiques, pourquoi nos amours ne le deviendraient-ils pas également? À la place de l'Ève, de la légende oubliée, de la légende méprisée par la science, je vous offre une Ève scientifique, seule digne, ce semble, de ces viscères flétris que, par un reste de sentimentalisme dont vous êtes les premiers à sourire, vous appelez encore vos cœurs. Loin de supprimer l'amour envers ses épouses, si nécessaire, jusqu'à nouvel ordre du moins, à la perpétuité de notre race, je propose au contraire d'en assurer, raffermir et garantir la durée, l'intégrité, les intérêts matériels à l'aide innocente de 1000 et 1000 merveilleux simulacres, où les belles maîtresses décevantes, mais désormais inoffensives, se dédoubleront en une nature perfectionnée encore par la science, et dont la salubre adjonction atténuera, du moins, les préjudices qu'entraînent toujours, après tout, vos hypocrites défaillances conjugales. Bref, moi, le sorcier de Menlo-Park, ainsi que l'on m'appelle ici-bas, je viens offrir aux humains de ces temps évolus et nouveaux, à mes semblables en actualisme enfin, de préférer désormais à la mensongère, médiocre et toujours changeante réalité, une positive, prestigieuse et toujours fidèle illusion. Chimère pour chimère, péché pour péché, fumée pour fumée, pourquoi donc pas? Je jure ici que dans 21 jours, Adali pourra mettre au défi l'humanité tout entière de répondre nettement à cette question-là, mon cher Lord. Car, ayant renié, disons-nous, pour la fumée d'un bien-être toujours futur, d'une prétendue justice toujours future et d'un orgueil toujours demeuré, lui, chétif et puéril, ce que l'on appela, de tout temps, avant cet automne, la douleur, l'humilité, l'amour, la foi, la prière, l'idéal et l'essentielle espérance au-delà de nos soleils d'un jour, je ne vois guère, je l'avoue, en vertu de quel diable, d'autres principes, l'homme moderne oserait, sans rire, lui présenter une objection logique ou même acceptable. Lorévald, pensif, regardait en silence cet homme singulier dont l'amer génie, tour à tour sombre ou rayonnant, cachait, sous tant d'impénétrables voiles, le véritable motif qui l'inspirait. Un coup de timbre sonna tout à coup dans l'intérieur d'un pilier. C'était un appel venu de la terre. Adalie se leva, lente et comme un peu endormie. « Voici la belle vivante, Milord Célian, dit-elle. Elle entre dans Menlo Park. » Edison considérait Lorévald avec une fixité interrogative. « Au revoir, Adalie, dit gravement le jeune homme après un instant. L'électricien vint serrer la main de son inquiétante créature. « À demain, la vie, lui dit-il. » À ce mot, tous les fantastiques oiseaux des bocages souterrains et des ramées aux fleurs multicolores et lumineuses, colibris, arafeux, tourterelles, huppes bleues de l'Hudson, rossignols d'Europe, oiseaux du paradis, et jusqu'aux cygnes solitaires de la vasque où l'eau neigeuse bruissait toujours, parurent comme sortir d'une attention jusque-là silencieuse. « Au revoir, seigneur passant, au revoir » crièrent-ils avec des voix humaines, viriles et féminines. « En route pour la terre !» ajouta Edison en rendossant sa fourrure. Lorévald revêtit la sienne. « J'ai prévenu que l'on indiquât le chemin du laboratoire à notre visiteuse, » dit l'électricien. « Partons !» Une fois dans l'ascenseur, il releva les lourds crampons de fonte. La porte du magique tombeau se referma. Lorévald sentit qu'il remontait avec son génial compagnon chez les vivants. Fin de la section 10